Les 13e exposés et exhibitions de nanotechnologie du pays sont clôturés le 28 courant. À la cérémonie de clôture, les meilleurs participants sont diplômés et primés.